joue du mambo, t'as pas ses tequila qui tape sur les bongos, ton bague et tambourin. T'as le bonjour du mambo, t'as pas ses tequila qui tape sur les bongos, ton bague et tambourin. T'as le bonjour du mambo, ma jolie Lolita. Quand on a le sang chaud, on veut danser samba. T'as le bonjour du mambo et celui de la rumba. C'était chaud, la musique à papa. Mambo, mambo, au son des rocos. Mambo, mambo, boléro, héros. Mambo, mambo, sexy les saxos quand j'entends les espanos. Mambo, mambo, chiqui, chiquito. Mambo, mambo, guerriero. Mambo, mambo, pour tous les gauchos, en avant pour le mambo. T'as le bonjour du mambo, t'as pas ses tequila. Moi je suis Santiago, des sanglots dans la voix. J'ai laissé le tempo au cœur de ma sierra. Je me suis qu'un héros, sans pancho, sans vida. T'as le bonjour du mambo, à faire et chequera. Fais tanguer le tango et rouler la rumba. Sombrero, sombrero, allez danse avec moi. Les pieds nus sur ma peau et l'amour sous tes pas. Mambo, mambo, au son des rocos. Mambo, mambo, boléro, héros. Mambo, mambo, sexy les saxos quand j'entends les espagnols. Mambo, mambo, chiqui, chiquito. Mambo, mambo, et guerriero. Mambo, mambo, pour tous les gauchos, en avant pour le mambo. Mambo, mambo, chiqui, chiquito.